Perpignan avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Litry Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Il y a des dimanches d'automne qui sont longs. Et pour ça, il y a un remède. Les week-ends portes ouvertes Espace Mode. Ce dimanche 2 octobre, c'est Sunday Shop Day. Dans toutes les marques, pour toute la famille. Espace Mode présente toutes les nouvelles collections automne. Et les nouveautés ne cessent d'arriver. Espace Mode est ouvert ce dimanche 2 octobre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est rapide, ça. Oui. Oh, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Bon après-midi, les 16h sur Vivacité. Et voici les infos. Bonjour Justine Hermans. Bonjour à tous. La mission belge princière aux Philippines pourrait ne pas avoir lieu. C'est en tout cas ce que souhaite la région bruxelloise. Elle envisage de réclamer l'annulation de cette mission prévue en mai prochain. En cause, les nombreux dérapages du président philippin, Rodrigo Duterte. Il y a quelques mois, il avait insulté le président américain Barack Obama. Hier, il a tenu des propos particulièrement choquants lors d'une conférence de presse. Il a déclaré que si Hitler a tué 3 millions de juifs, lui, il massacrerait bien les 3 millions de drogués dans son pays. C'est trop pour la région bruxelloise, mais aussi pour la région flamande, qui se dit également contre la mission princière prévue aux Philippines. Paul Magnette, le bourgmestre de Charleroi, convoque un conseil zonal de sécurité en urgence après un homicide suspect dans sa ville. Ce matin, un homme en séjour illégal a été tué par balle dans le centre-ville. L'auteur des tirs est toujours en fuite. Les enquêteurs soupçonnent un règlement de compte entre des personnes en situation irrégulière. C'est souvent le cas dans ce quartier de Charleroi et c'est pour cela que Paul Magnette convoque ce conseil zonal de sécurité. Il aura lieu lundi soir. Le but, c'est d'interpeller le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la migration pour dégager un plan d'action, notamment en ouvrant des places dans les centres fermés pour le rapatriement de personnes en situation illégale. À l'étranger, en Pologne, des milliers de personnes ont défilé à Varsovie devant le Parlement. Elles étaient toutes vêtues de noir. C'était en signe de protestation contre un projet de loi. Il vise l'interdiction totale de l'avortement en Pologne. Le pays est gouverné par la droite conservatrice catholique. La législation polonaise en ce qui concerne l'avortement est déjà l'une des plus restrictives d'Europe. En sport du football, la suite de la 9e journée de championnat en Pro League ce soir. Charleroi se déplace chez le leader Zulte Waregem à 18h. Un peu plus tard, à 20h, Eupen reçoit Moucron. Ça sera à suivre sur Vivacité. Et toujours à 20h, Westerlo reçoit Westland Beveren. À 20h30, Lokeren accueille Courtrai. Et demain, le choc attendu pour la fin de cette 9e journée, c'est entre le Standard et Anderlecht. Enfin, un mot de basket, c'est la reprise du championnat en Division 1. Avec en affiche Charleroi et Liège, ça sera à 20h30 et aussi un déplacement un peu compliqué pour Mons qui va à Ostende aujourd'hui. RTBF Mobile Info, David Godefroy, toujours une bande de circulation fermée dans le tunnel Léopold II à Bruxelles. Effectivement, dans le tunnel Léopold II, bande de gauche neutralisée, défile depuis le tunnel Porte de Namur. On estime que vous perdez entre 40 et 50 minutes, mais la circulation est quasiment à l'arrêt vers la Basilique. L'entrée Isère de ce tunnel est également fermée vers la Basilique. Pour le reste de la circulation, déchets de pneus sur le 411 Arlon-Namur entre Champion et Dossou, bande centrale neutralisée en direction de Namur, et perte d'huile sur la Nationale 90, Charleroi-Mons entre Charleroi et Marchienne au pont, chaussée fermée vers Mons, déviation locale bien sûr mise en place. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est l'échappée belge sur Vivacité avec Adrien Jovenot dans le Luberon. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. L'échappée belge sur Vivacité. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur Vivacité pour la deuxième partie de cette échappée belge. Alors ça, c'est la magie de la radio parce que, vous le savez, les échappées belges sont rentrées en Belgique le 28, mercredi dernier. Mais en radio, on revit cet après-midi jusqu'à 18h, la seconde partie du voyage. Samedi dernier, souvenez-vous, nous étions surtout dans le Vaucluse. C'est une partie du Luberon, mais le Luberon, il est coupé en deux, il est très grand. Il y a de l'autre côté, un peu plus à l'est, les Alpes de Haute-Provence. Éric Olive, bonjour. Bonjour. On est sur vos terres ici. On est sur mes terres, ouais. Dans les Alpes de Haute-Provence, le pays de Forcalquier et la montagne de Lure. Alors, où sommes-nous pour débuter la deuxième partie de cette échappée belge? Vous êtes rentré dans le département du côté de Manosque, à Pierrevert, et puis on se rend petit à petit vers Forcalquier. Et vous ressortirez du département du côté de Cérès pour retourner dans le Vaucluse. En tous les cas, on est toujours dans le parc régional du Luberon. Et on va passer par Roussillon, par le Colorado provençal. On va passer par des tas de petits villages que vous connaissez peut-être si vous passez vos vacances en Provence. Allez, piqûre de rappel cet après-midi, ça va nous faire du bien en ce premier jour du mois d'octobre. Est-ce que les échappés belges sont en forme? Ouais. Est-ce qu'ils ont oublié depuis 8 jours le cri de guerre du Luberon? À fond! À fond! Le Luberon! À fond! À fond! Très bien, je vois qu'ils sont gonflés à bloc. Et si jamais j'ai une extinction de voix, il y a un gars dans le peloton qu'on a repéré, il s'appelle Pierre Paulus, il est journaliste à l'avenir. Vous pourrez me remplacer si je suis faible, Pierre. Salut les amis, je ne sais pas si c'est possible de vous remplacer, Adrien. Ce que je sais, c'est que ici on vit vraiment quelque chose de formidable. C'est formidable d'être ici. Alors, comment ne pas saluer la mémoire des anciens? Comment ne pas saluer la mémoire de Jean, vétéran? Alors Jean, quantième Ravel, quantième... Échappée belge, c'est la première, forcément, mais vous êtes infidèle, on le sait. J'ai déjà crapahuté, tous azimuts. On s'en va du côté de Forcalquier, ça ne s'invente pas, il faut consulter le programme. Oui, et moi je consulte le maillot parce que Jean Baguette, vous moquez les garçons, mais il a fait combien de kilomètres, le vrai là maintenant, combien de kilomètres au compteur depuis votre premier cri, vos premiers coups de pédale? Si je ne compte que le tandem, j'ai 146 900 kilomètres. Et ça les gars, vous pouvez rire hein, les petits jeunes, c'est facile. 146 000 kilomètres et il a un maillot noir, jaune, rouge, maillot parce que vous êtes champion de Belgique. Je suis champion de Belgique en tandem en 2004 et en 2008. Ça vous embouche un coin, hein. Oui. On fait tout de suite moins les fiers. Hein. Allez, on enchaîne avec Delta Survivor. L'échappée belge. Décide-moi de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Parce qu'on est tous un peu pareils, on se ressemble à des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble parce qu'on ne s'aime pas. Ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte, ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame, ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir. Parce qu'on ne s'aime pas. se ressemblent à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. La chanson du groupe Delta sur Vivacité dans cette échappée belge en Luberon. Alors, on ne vient pas au Luberon sans faire un petit crochet par le prieuré de Salagon. D'ailleurs, ça rime. Nous sommes accueillis ici, à côté de Fort Calqui, par Tashka, qui connaît ce prieuré comme sa poche depuis... Depuis combien d'années ? Non, mais je suis ici depuis 97, mais j'ai quand même, je suis partie pendant quelques années, et puis je reviens. C'est un petit peu ma deuxième maison, entre guillemets. Oui, ouais. J'aime beaucoup ce lieu, j'y suis attachée, parce que quelque part, j'y ai grandi. On entend au loin l'orage qui gronde. On visite les jardins avant que le ciel nous tombe sur la tête. Tout à fait. C'est près de la Via Domitia. Donc, il y a les Romains qui sont passés aussi par ici. Oui, alors on est non loin de la Via Domitia. C'est donc, ça fait partie des trois éléments qui ont permis la construction de ce lieu. D'abord, la présence de l'eau. Et puis, la présence de carrières de pierre. Il y a eu des carrières entre Saint-Michel l'Observatoire et puis Salagon. Et puis, la Via Domitia qui n'est pas très loin d'ici. Et en fait, il y a un chemin de traverse qui va passer au pied de la tour et qui va finir par rejoindre Fort Calquier. Et donc, ces trois éléments-là ont permis la construction d'un tel prieuré, d'une telle importance, en fait. Hein. Les moines étaient malins, ils choisissaient bien leurs endroits. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'eau ici. Donc, c'est quand même, l'eau est vitale pour pouvoir cultiver et pour pouvoir y vivre. Et faire fleurir ce jardin, parce que le prieuré de Salagon, c'est une église, c'est un musée, mais c'est aussi et surtout un jardin. Oui, maintenant, les gens viennent presque davantage pour les jardins ethno-botaniques, c'est-à-dire des jardins qui racontent la relation de l'homme à la plante. Et ici, nous nous trouvons dans le jardin de Senteur. Pouvez-vous nous montrer votre plante favorite ? Ah, alors, ma plante favorite, en fait, je vais vous expliquer. Il y a trois trajets, trois parcours pour vivre ce jardin. Et il y a donc là le parterre des thyms avec les différentes variétés de thyms. Ces différentes variétés de thyms proviennent des différentes qualités de sol. Ici, on a le parterre du basilic. On raconte que le basilic, il faut l'insulter pour qu'il puisse, quand on le sème, pour qu'il puisse bien venir. Et quoi, il faut lui dire des gros mots, l'injurier presque. Il faut l'injurier, tout à fait. Delatte, qui a fait ses enquêtes là en 1930 et quelques. Et en fait, pour le récolter, il faut par contre être en état de pureté. Il faut tremper une branche de chêne dans de l'eau de source de trois sources différentes. Et puis, il faut l'asperger. Et enfin, ensuite, on peut le récolter. Le basilic est originaire d'Asie, d'Inde. C'est une plante sacrée là-bas. Et c'est une plante qu'on va garder devant les maisons, sur un petit autel. Et elle va faire du bois. Et avec ce bois, on va faire des petits colliers qu'on met au cou des nourrissons et qu'on met également sur le corps des défunts. Donc, c'est une plante qui accompagne un petit peu. Le basilic a une réputation de séductrice. C'est une plante séductrice. Le basilic, les Italiens, quand ils vont déclarer leur flamme, ils ont une petite branche de basilic à fleurs blanches derrière l'oreille. Quand ils l'offrent à une femme mariée, elle va le mettre à sa ceinture. Quand ils l'offrent à une femme, à une jeune femme, elle va le mettre dans son décolleté. Entre la tomate et la mozzarella aussi parfois. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors ça fait partie de la séduction. Voilà. Fait partie de la séduction. Donc en fait, les femmes romaines cultivaient le basilic dans des petits pots qui faisaient partie de ces jardins d'Adonis. C'était des plantes qui étaient vouées à mourir. Le basilic, de toute façon, ici, il ne supporte pas. C'est pas une plante vivace, c'est une plante annuelle. Et donc, le basilic était cultivé dans des petits pots qu'on mettait au-dessus des maisons. Et quand on retirait ces plantes aromatiques, le basilic, ça voulait dire que l'amant était là. C'est-à-dire qu'en fait, on l'utilisait dans la cuisine pour attirer les hommes. Et c'est ce que je vous raconte, fait partie d'un livre Marcel Étienne, qui est un ethnologue, et qui raconte qu'il a, sur une poterie, il y a de gravé une femme qui monte à l'échelle en tenant un pot de basilic. Alors, on vient pas en Provence sans respirer la lavande. Ici, c'est de la lavande ou du lavandin, ici, en Haute-Thor ? Alors ici, on a un parterre.

Provence, les petits marchés de Provence. On en croise un ici sur la route entre Fort-Calquier et Cérès. Nous sommes à Reillanne. Aurélie, qu'est-ce que vous avez acheté sur ce petit marché ? J'ai acheté de la céramique en fait, pour mettre devant ma maison. C'est le numéro de ma maison en céramique. On dit souvent « bienheureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Vous êtes ici avec une bande d'allumés, une bande Exactement. Et la lumière, elle passe, il fait magnifique. Ouais. Vous êtes infirmière psychiatrique, c'est votre domaine. Est-ce que se retrouver avec ces échappés belges, ça vous dépayse ? Pas du tout. Ils sont oui, complètement tarés, mais en même temps, c'est que du bonheur et c'est que c'est tout des gentils, quoi. C'est tout des personnes super gentilles, super sympathiques et vraies, authentiques. Donc, c'est super chouette. De la bienveillance dans le peloton. Oui, ouais, complètement. Heureusement, d'ailleurs, ici, on vient de faire une côte et j'avais Xavi à côté de moi et heureusement qu'il était là parce que je ne sais pas si je serais arrivée au-dessus, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, oui. C'est vrai, de la solidarité, vu de France, vu de la Provence. Sylvie Palpan, vous qui travaillez ici pour Vélo Loisirs Provence, vous ressentez cette union dans le groupe, dans le peloton ? Ah oui, c'est formidable. Il n'y a vraiment aucune tension. Et tout le monde avance, se fait un peloton. Il y a des pelotons qui se forment, et puis ça s'étire, et puis ça revient. Et puis chacun suit son rythme, et tout le monde respecte le rythme de chacun. Et on s'attend, et c'est sympa, et on rigole. Et on suit aussi les indications avec ces flèches du petit cycliste sur un fond bleu. Alors, il y a parfois un bout blanc, ça veut dire qu'on va vers les Alpes. Alors, en fait, c'est un itinéraire de 236 km. Et comme il est long, on a décidé de le flécher dans les deux sens. Donc, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est blanc. Et vous tournez dans l'autre sens, c'est orange. Et nous, aujourd'hui, on suit ce petit bout orange allant de Fort-Calquier vers Apt. Oui, et Cavaillon, donc l'orange, c'est l'orange du melon. Hein. Voilà. Très simplement, l'orange, c'était on va vers Cavaillon, et puis le blanc, ben, on va vers Fort-Calquier, parce qu'il y a une petite montagne en haut, derrière, qui s'appelle la montagne de Lure, et qui est donc quelquefois enneigée. Oui, alors c'est pas trop vallonné, je demande un petit peu à Maxime, Roger, sur la route. Si, c'est vallonné. Aujourd'hui, c'est vraiment l'étape qui me plaît. Un col à franchir, c'est ce que mon fils rêvait toujours de faire. Et je suis fier de l'avoir fait sur 900 mètres pied à terre. On peut avoir ce côté difficile du relief, mais ce qu'il faut ajouter, c'est la beauté des paysages, non seulement la beauté, mais aussi les paysages variés. C'est ce qu'on se disait entre échappés. On a à la fois des paysages tantôt arides, mais d'un autre côté très verts, avec des senteurs. Tu en prends plein les mirettes, mais aussi plein les narines. Enfin, c'est que du bonheur. On fait le plein des sens. Hein, oui, sans passer par la pompe. Et pour pas un bal. On a entendu sa voix résonner dans le fond de la place de Reillanne. Francis Hubin, au sommet de ce petit col. Pas d'ancienne ligne ici. Hein, on en aura en bas dans la vallée. Organisateur heureux. Oui, vraiment heureux. On parlait de plein d'essence, mais on a fait le plein d'essence. Nous autres, on circuit court, donc on consomme du local. Et maintenant, on vient déguster un vin du Luberon, très fruité. Et donc, on découvre vraiment les produits du terroir. Donc, on s'y accroche et on est persévérant. Donc, d'étape en étape, on déguste vraiment la production locale. C'est bien le principe de cet échappé belge et ça va continuer sur Vivacité jusqu'à 18h. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au bon repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Aubonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Massive est devenue Light Gallery. Votre magasin Light Gallery sera exceptionnellement ouvert ce dimanche. Recevez une remise de 15% sur notre vaste gamme de luminaires. Rendez-vous dimanche dans nos magasins Zaventem et Drogenboss ou sur lightgallery.com. Light Gallery, votre spécialiste en éclairage. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie en SPAC. Deux jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook en SPAC Shopping. En SPAC, the new place to live and shop. La foire du verre de l'âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au centre sportif de l'âne. Info foireduverre.eu. Avec vivacité. Pluie. Je résiste. Chaleur. Je résiste. Vent. Je résiste. Neige. Je résiste. Envahisseur. Je résiste. Eh bien, mon cher châssis Torix, je déclare que tu es tout aussi résistant que les châssis belges de Fermalux. Bravo. Parce que les châssis belges fabriqués chez Fermalux résistent à tout. Rendez-vous aux portes ouvertes. Fermalux, c'est 8 et 9 octobre. Profitez de nos conditions spéciales et des conseils personnalisés dans Coach Couleur. Sans souci à l'abri, Fermalux. Plus d'infos sur fermalux.be. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. L'échappée belge sur Vivacité. Des palmes sur Vivacité dans cette échappée belge en Luberon. Nous freinons un petit peu là. On va poser nos vélos quelques instants contre les vignes d'un joli domaine de Ménerve. Nous débarquons chez Yves Rousset-Rouard. Bonjour. Bonjour, bienvenue au domaine de la Citadelle. Et je suis heureux de vous accueillir, c'est une surprise. Oui, on est ravis d'être là. C'est original, un producteur à la fois de films et de vins. Oui, et de théâtre aussi, puisque c'est moi qui ai lancé l'équipe du Splendide. Et je suis toujours actionnaire du théâtre du Splendide, qui est une véritable pépinière de talent encore aujourd'hui. Ben, c'est la troupe L'Origine des Bronzés. Voilà, c'est ça, exactement. Producteur des Bronzés. Voilà, et du Père Noël est une ordure, évidemment. Oh, bien sûr. et avant ça, de tous les Emmanuels. Pas tous, non, il y en a eu 25, je n'en ai produit que 3, les 3 originaux, les premiers, voilà. Mais sinon, il y a eu des tas de faux, voilà, c'était une époque. Après, j'ai pas voulu faire ça toute ma vie. Et vous vous êtes retiré ici à Ménard. Vous avez été maire jusqu'à très peu de temps. Alors, je suis resté. Ça, c'était ma période altruiste. j'ai été député à l'Assemblée nationale, élu du Vaucluse, donc député de Vaucluse, et aussi maire pendant 19 ans. De Ménerbe, où j'ai eu à la fois l'honneur de représenter cette commune, qui est une belle commune, Et où j'ai pu aussi faire beaucoup de choses pour le village, la maison de la truffe et du vin. J'ai créé la première fondation pour un village. J'ai également créé la première truffière municipale de France, dont les fruits seront vendus au profit des œuvres sociales du village. C'est quoi une truffière municipale ? Une truffière, c'est un lieu où il y a des chênes truffiers qui produisent des truffes. Et nous avions, moi je suis très passionné par les truffes, puisque la région est la plus grande région trufficole de France. Contrairement à ce qu'on pense, c'est Paul Périgord, qui ne représente aujourd'hui plus que 15% de la production de truffes en France. Mais c'est tout le sud-est, Vaucluse, nord des Bouches-du-Rhône, nord du Var, Drôme, qui produit pratiquement 75% de la production de truffes. Donc moi j'ai été grand maître de la confrérie de la truffe et du vin du Luberon. C'est pour cette raison que j'ai créé en haut du village, dans un hôtel particulier qui appartenait à la commune, un hôtel du XVIIIe siècle, une véritable ambassade pour les vins du Luberon, donc pour tous mes confrères, et également la mise en valeur de la truffe. Eh bien, on y passera tout à l'heure à Ménerbe. Vous êtes aussi l'oncle de Christian Clavier, qui a été un de vos acteurs dans les Ponzés. Exactement. Oui. Bon, on n'a plus beaucoup le temps de se voir, parce que lui habite en Angleterre, et puis il n'a plus besoin de moi. Hein. À un moment donné, il avait besoin de moi, maintenant il n'a plus beaucoup. Mais enfin, je continue à voir son frère plus souvent, qui vient souvent à Marseille. Donc, voilà. On entend les tracteurs derrière nous, c'est une région agricole, c'est la période des vendanges, on va aux vignes. Voilà, regardez, vous voyez, là, les vendanges, j'espère qu'on va les terminer cette semaine, en principe, à la fin de la semaine. Et la récolte cette année est excellente. On a la chance d'avoir un domaine de 45 hectares, mais sur des parcelles très différentes, donc avec des sols différents, des altitudes différentes et des expositions au soleil différentes. Et actuellement, mon hobby en ce moment, c'est plus qu'un hobby d'ailleurs, vous avez vu le musée du Tire-Bouchon, ah bah non? Oui. Oui, bon, d'accord. Que j'ai créé il y a 25 ans. Et je suis en train de créer un jardin de botanique, de plantes médicinales, de plantes aromatiques, parfois ce sont les mêmes d'ailleurs, de plantes sauvages mais comestibles et de plantes magiques. Et ça va être formidable dans un site qui est derrière la cave, dans la forêt, où il y a des restanques, des terrasses qui date du XVIIIe siècle. On vous remercie Yves Rousserouard pour votre accueil dans votre beau domaine à Ménerbe. Et on continue cette échappée belge dans le Luberon. Bonne continuation, j'adore la Belgique et donc j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et souvent ma femme me dit, tiens, mais pourquoi on n'irait pas habiter en Belgique? Je dis, écoute, pour le moment on est là. Mais vous venez quand vous voulez. Bye bye, merci. Merci. Vivacité présente. Pardon, monsieur, je cherche la gare. Comme ça, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez, et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben, c'est pas si loin, ça, finalement. Merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Vivacité présente. La solidarité, c'est une papaye qui arrose un arbre à guitare. Je pense pas que la solidarité, c'est ça. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre, en Wallonie et à Bruxelles. Info, placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Électro, dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? C'est simple. Nous commandons en grande quantité pour obtenir les meilleurs prix. Découvrez comment vous profitez des économies que nous faisons sur electrodépôt.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, Metro et Dimerx. Electro Dépôt. Il y a des dimanches d'automne qui sont longs. Et pour ça, il y a un remède. Les week-ends portes ouvertes Espace Mode. Espace Mode. Ce dimanche 2 octobre, c'est Sunday Shop Day. Dans toutes les marques, pour toute la famille. Espace Mode présente toutes les nouvelles collections automne. Et les nouveautés ne cessent d'arriver. Espace Mode est ouvert ce dimanche 2 octobre de 10h à 17h. Espace Mode à Perouet et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Sur Vivacité avec This Girl. Cette fille est extraordinaire. C'est une femme pas comme les autres. Je vous la présente. Elle s'appelle Nadège. Nadège, bonjour. Bonjour. Où sommes-nous ? On est à la Coquillade dans le Luberon. Vous êtes à la tête d'un centre d'entraînement, un magasin, une fan zone pour BMC. Vous avez été vaccinée au rayon de bicyclette. Exactement, depuis toute petite. Oui, tout à fait. C'est exactement mon parcours. J'ai toujours baigné dans le vélo. C'est ma passion. Vous avez été coureuse cycliste ? On dit coureuse ? Ah, c'est pas trop le terme, quoi. Coureur cycliste féminin. Voilà, vous avez été cycliste professionnel. Oui. Vous avez couru, entre autres, avec Jeannie Longo. Et puis maintenant, vous êtes reconverti dans ce magasin qui loue, qui vend des montures exceptionnelles. Disons qu'on a développé la structure pour permettre aux clients de connaître la marque BMC, de par notre propriétaire qui est Andiris, qui est propriétaire de la marque BMC, de l'hôtel La Coquillade et de l'équipe cycliste professionnelle. Ça veut dire, par exemple, que Greg Van Avermaet est un de vos proches. Il vient régulièrement ici s'entraîner. Oui, il vient s'entraîner, il vient aussi profiter de vacances en famille. Il adore le coin et c'est un garçon qui est charmant, qui est abordable, qui est gentil avec tout le monde. Et puis, en plus, on admire vraiment le coureur cycliste en lui-même. Superbe saison pour lui, hein, le tour. Magnifique, mais j'espère que c'est pas terminé. Il y a le championnat du monde qui arrive, on y compte. Et puis cette médaille d'or aux Jeux Olympiques. Elle était fabuleuse, un joli sprint, c'était magnifique, vraiment, oui. Alors, je vais demander à nos échappés belges qui ont testé vos vélos ce qu'ils en pensent. Philippe, tout d'abord. Ah ben c'est pur plaisir, hein. C'est pur plaisir et un peu quand même un contraste avec par rapport au vélo qu'on a utilisé pendant la semaine, mais surtout au niveau du poids, au niveau de passage de vitesse électrique, c'est du haut de gamme. C'est un plaisir. On devrait pouvoir le garder, hein. Minimum une journée, ça serait appréciable. Oui. C'est un vélo que l'on peut emprunter, par exemple, pour aller à 1912 mètres d'altitude au sommet du Mont Ventoux. Oui, par exemple. Oui. C'est le vélo des professionnels, hein, le Team SLR. 01. Bon, eux, ils ont le modèle équipé en Durace DI2. Mais généralement, les clients qui viennent ici ou les clients de l'extérieur veulent essayer le vélo des professionnels. Quel est le prix de ce vélo ? Celui-ci, il est à 6000 euros et on a le modèle en Durace DI2 qui est à 9990 euros. Moins de 10 000 euros. Une broutille. C'est trois fois le prix de ma voiture. Bruno, vous avez testé aussi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, c'est des sensations exceptionnelles. Avec les vitesses qui passent de manière électrique, c'est vraiment très, très différent d'un vélo classique. On sent toutes les sensations, la performance de ce vélo, rien qu'en sur une petite côte. C'est impressionnant, vraiment. Oui. Vous avez aussi des vélos électriques qui foncent, qui permettent d'aller très très vite, d'escalader des côtes comme si on était sur du plat ou presque. Oui, notamment on a le Stromer en démonstration. Celui-ci il fait 45 km/h en vitesse maximum. Il est fabuleux, c'est une technologie suisse, mais il est magnifique d'utilisation. Ça permet à des personnes qui étaient un petit peu dégoûtés du vélo ou le vélo, il faut reconnaître, est très dur aussi également, de se remettre au vélo, au sport et de découvrir le vélo autrement. On va demander à Véronique, notre gagnante du loto, qui est maillot jaune aujourd'hui parce qu'elle a mis une jolie robe jaune assortie au tournesol du Luberon. Qu'est-ce qu'il pense de ce vélo électrique ? Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Si je pouvais m'acheter le même, je le ferais tout de suite. Franchement, il paraît qu'il a une super autonomie de 150 km, je pense. Oui, exactement, oui, 150 km. Oui, après, tout est relatif, hein, tout dépend comment on appuie sur les pédales. Ouais. Les conditions météo, le profil exactement, mais c'est vrai qu'il est magnifique d'utilisation. Ah, peut-être que je m'en acheterai un, alors. Il faut demander à Saint-Nicolas, mais il faut que vraiment il soit... Oui, bientôt mes 50 ans aussi. Ah, ben voilà. Merci beaucoup, on va continuer cette échappée belge sur nos vélos à nous, hein, nos VTC, nos bonnes vieilles bicyclettes, après la chanson de Supertramp sur Vivacité. Breakfast in America, alors que nous sommes dans le Luberon avec le groupe Supertramp à la radio. C'est Vivacité pour l'échappée belge. Et nos échappées belges font souvent des rencontres assez improbables et intéressantes. Vous rencontrez des Provençaux, mais aussi, Maxime, des Belges du bout de la France, de la Provence. Des Belges du bout du monde. Bah, je pense qu'avec François, on va peut-être travailler pour toi, rencontrer d'autres, de nouveaux portraits, parce que c'est un petit peu... C'est un peu le bout du monde, la Provence, même si on n'est pas... Oui, Maxime, l'échappée belge, c'est aussi un petit peu ça, la décontraction, le soir, se poser à l'hôtel et boire un petit verre après un bon repas dans un magnifique hôtel 5 étoiles, et puis des rencontres, voilà, une rencontre avec Laurence. Laurence, vous les avez vus hier, ils étaient dans quel état, Laurence ? Oh, ça allait. Ça allait encore, hier soir. Oui, bon, ça va, je suis rassuré, parce qu'il va bien pédaler cet après-midi. Alors, Laurence, vous êtes belge et vous avez une espèce d'épicerie comme chez vous ? C'est ça, c'est une épicerie fine de produits belges, restaurant, salon de thé, glacier, et ça s'appelle comme chez moi. Donc j'essaye de faire découvrir aux gens du cru qu'on fait des choses très chouettes aussi en Belgique, hein, qu'on n'est pas que les petits Belges. Et puis, y a une chouette ambiance quand il y a un mélange dans le restaurant de Belges et de Provençaux, on rigole bien. Alors Laurence, de comme chez moi, c'est où ? Alors c'est à Coustelet. Donc, pas très loin d'ici, hein, 20 minutes d'ici. C'est au carrefour du Luberon, en fait. Alors, quelle mouche vous a piqué ? Vous venez d'où en Belgique et pourquoi vous êtes atterri ici ? Alors, je viens de la région de Charleroi. Et puis, ça fait 14 ans que je vis dans la région. Et ça fait 10 ans que j'ai ce projet en tête. Voilà. Et donc là, vous avez réalisé votre rêve. Oui, oui, oui, oui, oui. Et j'espère que ça va bien marcher. C'est pas terminé, c'est crevant, mais c'est vraiment gai. Alors, vous faites venir les produits de chez nous par fourgon, vous vous organisez C'est compliqué, donc c'est très compliqué. On a l'impression parfois que c'est plus facile de se faire livrer de Chine que de se faire livrer des pays voisins. Surtout qu'en fait, moi, je veux travailler uniquement avec des artisans. Donc, c'est assez compliqué de concentrer tous les produits, de les faire venir. Alors, que trouve-t-on au comme chez moi ? Alors, on trouve du poisson à l'escavèche, on trouve la tarte aldiote, on trouve du herve, on trouve les biscuits d'Andois, on trouve les chocolats Zabar, le sirop de Liège, une quarantaine de références de bière, toutes issues de microbrasseries. Et puis, plein de choses encore. Du thé de Namur, oui, je travaille avec la magie du thé de Namur. Et puis quoi ? Les jambons d'Ardenne, voilà. Et les gars, vous avez fait une super rencontre. Hein, bah, oui, c'est bien. Elle est bien, cette petite ambassadrice des produits locaux. C'est très bien, très bien. Humainement, c'est une rencontre enrichissante. Oui. Très sympathique. Qui sont les clients ? Est-ce que ce sont les Belges qui sont en vacances ici ou bien les Français qui veulent goûter les bons produits de chez nous ? Alors, en fait, moi, j'ai ouvert le magasin à la mi-novembre. Donc c'était un 2015, ouais. Donc c'était un pari parce que j'ai pas ouvert en pleine saison, j'étais pas du métier. Donc je voulais surtout sensibiliser les locaux. Et apparemment, ça démarre bien parce que là maintenant, bon, la saison n'a pas été super, vu tous les événements. Hein. Mais là, les locaux reviennent. Donc ils m'ont pas oublié. Donc je pense que je suis sur la bonne voie. Je pense. Je croise les doigts, les orteils, tout ce que je peux. Je pense. Mais j'ai des Belges aussi. Et des Belges qui sont là en vacances et qui viennent pour le fun boire une bonne bière chez moi. Eh bien, on croise les roues de nos bicyclettes, oui, pour vous. Et on vous souhaite bonne chance, Laurence. Mais on rappelle, comme chez moi, dans le petit village de... Coustelet. Ici, dans le Luberon. On continue à rouler vers le lac. Tenez, c'est Julien Doré. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Arken, portes ouvertes ces samedis et dimanches, de 14 à 17h, dans notre bureau d'info, chaussée de Nivelles, près du 119 à Arken. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu.

présenter cette ancienne usine à nos échappées belges. Parce que c'est un bel exemple de reconversion industrielle, cette usine. Usine Mathieu, devenue conservatoire naturel des ocres. Exactement. Donc voilà, donc, cette usine donc, qui a été refaite donc, depuis 1994, hein, c'est 94. Ouais, 94, ouais, exactement. Donc c'est transformé donc, en un centre donc, de formation, hein. Visite, accueil, atelier, donc pas mal de cordes à nos ailes, hein, donc voilà. Donc ça fonctionne très bien, hein. On a à peu près 40 000 visiteurs par an qui viennent visiter donc, sur des visites guidées ou des visites libres. Et on a en moyenne 900 personnes formées dans notre centre de formation et pratiquement 7 à 8 000 écoliers chaque année qui viennent suivre des ateliers pour enfants ici. Alors, c'était visite scolaire pour les échappés belges. Exactement, Aurélie, ouais. Comment ça s'est passé? Super, bon, on apprend plein de choses. J'ai appris que la différence entre un colorant et un pigment. J'ai appris savoir comment il y avait plus d'eau dans le sable. Et donc, c'est super chouette. Franchement, on apprend plein de choses. On apprend aussi à cuisiner. Enfin, il y a un lien entre la cuisine et la peinture. Alors, il y a un lien, oui, parce qu'on va utiliser les mêmes produits. Quand on parle d'émulsion, hein, quand je fais une mayonnaise, je fais une émulsion. Hein. Quand je fais une vinaigrette, je fais une émulsion. La vinaigrette, c'est plus complexe, parce que quand je mélange de l'huile avec du vinaigre, ça ne reste pas stable. On va rajouter autre chose pour que ça devienne stable. Donc, je peux rajouter de la moutarde. Là, j'ai une émulsion stable. Je peux rajouter de l'ail. Et il faut savoir que ces produits-là servent aussi en peinture. On peut peindre avec de l'ail. Par exemple, le bâtiment en face de nous, il a été peint avec de la béchamel. Alors, c'est une sorte de béchamel, donc toujours pareil, une émulsion. Le bâtiment est peint à la farine de seigle, huile de lin et pigments. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ces pigments vous ont donné envie, je sais pas, je tends au micro à l'un ou l'autre d'entre vous, de repeindre votre maison, de faire un peu de déco chez vous Oui, tout à fait. Surtout qu'on voit que c'est très bon marché par rapport aux peintures industrielles. Donc, c'est super beau et c'est très intéressant. Xavier. Et puis il y a aussi l'aspect écologique de ces peintures. Les peintures industrielles sont des huiles, sont des pétroles et autres. Ici, quand on travaille avec du jaune d'œuf, de la farine, il y a aussi l'aspect biodégradable, l'aspect écolo. Donc ici, on est en zéro émission. Mais je pense que c'était une visite qui se cadrait tout à fait bien. Oui, parce que la carrière, elle est juste à côté. Alors combien de temps il faut entre la récolte de l'ocre là en bas et la fabrication du pigment? On est sur un cycle de 1 an. L'hiver en creuse dans les carrières, que vous irez voir tout à l'heure. On va ramener donc le minerai ici. On va le laver, donc on va faire un lavage jusqu'à fin avril. Hein, et là, on va laisser sécher jusqu'au beau jour, hein, juillet-août. On va récolter l'ocre, puisqu'on parle de récolte. Hein, et là, on va l'amener donc, dans les moulins pour la broyer et dans les fours pour lui changer sa couleur. Voilà. En tout cas, c'est magnifique. Allez voir les images, elles sont en ligne sur vivacité.be et sur la page Facebook du Beauvélo de Ravel, le conservatoire des ocres à Roussillon, juste à côté du Colorado Provençal. Dans quelques instants sur Vivacité, on va s'informer avec le journal de 17h. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. Bon après-midi à tous. Ce soir, cette nuit, le temps sera plus sec, même si quelques averses sont encore attendues sur l'Ardenne, la Goume et le littoral. Les températures sont en baisse, elles oscilleront entre 6 et 10 degrés. Demain matin, on se réveillera sous un ciel chargé, des averses qui vont toucher principalement les Flandres. Et puis durant l'après-midi, eh bien, ces averses vont balayer l'ensemble des régions et pourront localement prendre un caractère orageux. Le vent se renforce, les températures sont un peu fraîches pour un mois d'octobre. Une quinzaine de degrés sont attendus sur le centre du pays et entre 11 et 16 degrés partout ailleurs. C'est la braderie d'automne au Stockel Square, un véritable feu d'artifice de bonnes affaires pour toute la famille. Alors, pour en profiter, rejoignez-nous ces vendredis, samedi et dimanche. La grande braderie d'automne, celle qui étonne. Stockel Square, il y a vraiment tout pour nous plaire. Stockel Square. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. Viva Bruxelles présente les croisières guidées de Brussels by Water. Jusqu'au 31 octobre, venez découvrir nos voies d'eau de la manière qui vous plaît. Courte croisière jusqu'à Anvers ou croisière apéro en soirée, il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas vous déplacer en bateau avec le Waterbus? Info brussels by water.be. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés ? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes ? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire ? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit ? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Une mission économique en projet aux Philippines fait polémique. Le président philippin fait un parallèle entre ses projets et la politique d'Hitler. Pour le gouvernement bruxellois, ces dérapages rendent le voyage impossible. Bruxelles fait nuit blanche aujourd'hui. Découvertes insolites et culturelles sont proposées pour la première fois dans le quartier européen. En sport, en football, la suite de la 9e journée de championnat. Dans une heure, Charleroi se déplacera à Zulte Waregem. Des Zèbres qui espèrent faire la bonne opération du week-end. Le journal nous est présenté par Natacha Stragier. Bonjour à tous. Peut-on ruiner ses parents en leur imposant l'obligation alimentaire ? La question n'a rien d'anecdotique. De plus en plus de jeunes font appel à des avocats ou à des notaires pour obtenir que leurs parents les financent, au moins jusqu'à la fin de leurs études, même s'ils n'ont plus de contact avec eux. La loi est claire, mais il y a tout de même des limites. Explication Thierry Van Gulik. Les parents ont l'obligation légale de subvenir aux besoins de leurs enfants jusqu'à leur majorité, et s'ils font des études, jusqu'à la fin de celle-ci, même en cas de rupture familiale. Impossible donc d'y échapper, affirme le notaire Xavier Dugardin. Non, on ne peut pas effectivement organiser son insolvabilité pour essayer de ne pas devoir faire face à ses obligations. Il est assez naturel qu'on doit finalement accompagner les enfants dans leur formation. À condition toutefois qu'ils réussissent leurs études. Anne-Marie Douillet, avocate et spécialiste du droit de la famille. Il est question alors que le jeune suive une formation avec fruit, comme dit la jurisprudence, et donc que le jeune fasse ses études un peu sérieusement. On admet certaines erreurs d'orientation, on admet l'un ou l'autre échec, mais pas au-delà. Et même si la pension alimentaire peut être parfois importante, il y a des limites précises encore. Xavier Dugardin. C'est un dossier qui passe devant le juge, qui lui, évidemment, a tous les arguments des uns et des autres et va également chercher à trouver une solution raisonnable. Donc, ruiner un parent par une demande de pension d'un enfant, c'est possible sur le plan théorique. Dans la réalité, ça se rencontre heureusement très peu. Les jeunes qui vont jusqu'à assigner leurs parents en justice sont donc plutôt rares, même s'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir voler de leurs propres ailes. Faut-il maintenir une mission princière aux Philippines ? Ce n'est en tout cas pas l'avis de la secrétaire d'État bruxelloise au commerce extérieur. La mission économique belge est prévue en mai prochain, mais le nouveau président philippin, connu pour son langage parfois insultant, a fait hier un parallèle entre sa sanglante guerre contre la criminalité et l'extermination des Juifs par Adolf Hitler, en disant qu'il serait heureux de massacrer des millions de drogués. Pour certains, il est temps de revoir nos relations diplomatique ou économique avec ce pays. Explication Véronique Fievet. Hitler a tué 3 millions de juifs et chez nous, il y a 3 millions de drogués que je serais heureux de massacrer. Ces propos outranciers et historiquement approximatifs, Rodrigo Duterte les a tenus hier en conférence de presse. Ils ont choqué Cécile Jodogne, la secrétaire d'État bruxelloise au commerce extérieur. Or, elle devait en principe participer à une mission économique belge aux Philippines. Désormais, elle préférerait que la Belgique renonce à cette mission. J'étais déjà assez perplexe depuis ces derniers mois. Et effectivement, j'ai souhaité rediscuter de cette mission. La mission économique pourrait donc être postposée, voire remplacée par une autre destination. Cela ne serait pas la première fois. J'ai été amenée à postposer une mission en Turquie. J'espère pouvoir la faire rapidement, mais pour le moment, en effet, elle est suspendue. Parce que vous estimez que l'attitude de M. Erdogan pose question ? C'est le contexte actuel, effectivement, en Turquie qui me fait dire que ce n'est pas le bon moment. Dans le cas du voyage aux Philippines, aucune décision n'a été prise. Le dossier devrait être discuté au sein de l'Agence pour le commerce extérieur avec les partenaires du fédéral et des 3 régions. Et dans le nord du pays, le gouvernement flamand dit aussi s'interroger sur le maintien de cette mission princière. Un homme a été interpellé ce matin à Dizon, près de Verviers, après avoir renversé volontairement un témoin de Jéhovah. L'automobiliste a foncé vers un arrêt de bus où se trouvait un groupe de témoins de Jéhovah. Après une dispute avec eux, une dame a été blessée et hospitalisée. Elle souffre d'une incapacité de travail d'au moins 10 jours. Le conducteur était en état d'ébriété au moment des faits. Il a été privé de liberté. À l'étranger, en Pologne, des milliers de personnes habillées en noir ont manifesté contre une proposition de loi bannissant totalement l'avortement. Dans ce pays gouverné par la droite conservatrice catholique, la législation est déjà l'une des plus restrictives en Europe. Le projet débattu au Parlement prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour les médecins et autres personnes participant aux IVG, y compris les patientes. On revient chez nous, l'entreprise sidérurgique NLMK à La Louvière ouvre ses portes aujourd'hui. Une initiative d'abord à destination du personnel et des riverains proches. Au départ, l'usine appartenait à Duferco. En 2011, les Italiens ont cédé une partie du site au groupe russe. Depuis lors, l'usine a connu de grosses difficultés financières, a dû licencier plusieurs dizaines de travailleurs, mais elle est toujours bien là aujourd'hui et occupe environ 500 personnes. Sa santé reste fragile, c'est en tout cas ce que nous dit son directeur, mais elle va mieux. Christine Boroviak a interrogé Renaud Moretti. On transforme des brames qui viennent de Russie en coil à chaud, donc acier au carbone, et puis on a des lignes de décapage et des lignes de laminage à froid pour pouvoir faire d'autres produits en aval qui sont dans nos autres usines. Pour un tiers de ce qu'on produit, typiquement c'est dans les pièces pour automobiles, et le reste, tout ce qui est acier de construction, bardage métallique et ce genre de matériel. Aujourd'hui, le site de La Louvière, c'est 500 personnes. L'entreprise se porte mieux, effectivement. On a fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. On n'est encore pas dans les meilleures années, mais on est en route vert. Quand on voit que Mittal, par exemple, a frôlé la faillite, qu'est-ce qui fait que chez vous, ça marche bien ? Maintenant, on est petit, flexible. On a des coûts maîtrisés. On a une structure qui s'adapte facilement à des marchés qui peuvent changer du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on a défini notre modèle de survie et il fonctionne. Ce soir, c'est la Nuit Blanche à Bruxelles. Cette année, elle aura lieu dans le quartier européen. 30 projets artistiques contemporains seront présentés autour de la thématique des frontières. L'occasion aussi de découvrir des endroits inhabituels. Marie Mikils a demandé à la coordinatrice de l'événement ce que cela impliquait, le fait que la Nuit Blanche se déroule cette fois dans le quartier européen. Écoutez la réponse de Nancy Galland. C'est un quartier excentré, c'est la première fois qu'on y va. On a tendance à rester d'habitude à l'intérieur du Pentagone. Donc on a voulu en fait aller dans un quartier que justement que les Bruxellois ne fréquentent pas. Et faire découvrir notamment le parc Léopold, qui est un parc magnifique de Bruxelles. Et voilà, qui est très très peu fréquenté par les Bruxellois du centre en fait. On essaye vraiment de proposer une variété de disciplines. Et il faut savoir aussi qu'on est souvent sur des formes hybrides. Donc on a rarement des projets qui sont purement danse ou purement musique. Ou purement projection. Enfin, on est dans cette mouvance aussi au niveau artistique où toutes les disciplines se mêlent en fait. Surtout dans le cadre de la performance, on est aussi dans des petites formes, dans le cadre de Nuit Blanche, puisque l'idée, c'est vraiment que le public puisse voir un maximum de choses en un minimum de temps. Et on passe au journal des sports. On commence avec le football et la suite de la 9e journée de championnat dans moins d'une heure. Charleroi se déplacera à Zulte Waregem, Thibaut Deplanque. Oui, les Carolos rendent visite au surprenant leader flandrien. Et quand on regarde le classement de plus près, on remarque que 4 équipes, Anderlecht, Le Standard, La Gantoise et Charleroi, comptent toutes le même nombre de points, à savoir 15. Et au vu des affiches de demain, Bruges, La Gantoise et Standard, Anderlecht, Felice Mazzu, l'entraîneur Carolo, est conscient que son équipe pourrait être l'une des grandes gagnantes du week-end. C'est un week-end important. En même temps, comme vous venez de le dire, il reste beaucoup de matchs derrière. Vous savez, on rencontre Zulte à notre tour de trêve, on rencontre Bruges. Ce sont tous des gros matchs. Hein. Et quand on rencontrera les équipes qui sont un peu plus bas, ce seront aussi des gros matchs parce que voilà, je pense que cette année-ci, chaque équipe peut gagner contre n'importe qui. On l'a encore vu entre Anderlecht et Westerlo. Donc voilà, ce sont tous des grands matchs et tous les points qu'on peut prendre, il faut les prendre et les mettre dans une belle petite pochette. Felice Mazzu au micro de Christophe Reculé. Coup d'envoi de ce match donc à 18h, à suivre en direct sur Vivacité. Tout comme dès 20h, l'important match dans le bas de classement entre Eupen et Moucron. Deux candidats directs dans la lutte pour le maintien. Dans le reste des rencontres, Westerlo recevra Westland Beveren. Là aussi, match important en vue du maintien. Et à 20h30, Courtrai se rendra à Lokeren. En cyclisme, direction l'Italie pour la dernière grande classique de la saison. Oui, le Tour de Lombardie, le dernier des 5 grands monuments cyclistes de la saison. Il reste un peu moins de 10 km de course avant l'arrivée à Bergame, mais 4 hommes sont en tête, dont Roberto Urán et Romain Bardet. Ce Tour de Lombardie, c'était le dernier grand rendez-vous avant les championnats du monde au Qatar et la course en ligne du 16 octobre prochain. Pour Philippe Gilbert, cette course était la dernière avec le maillot de BMC sur les épaules, puisqu'il rejoindra l'année prochaine Etix Quickstep. Mais chez nous, on roulera encore dans les prochains jours et même demain avec l'Euro Métropole Tour et mardi avec Binche qui marquera la fin de la saison en Wallonie. Chez nous, le championnat de basket commence ce soir avec déjà de belles affiches. Avec le déplacement de Monceno sur le parquet du quintuple champion en titre ostendais, mais les Côtiers restent sur une défaite face à Anvers dans le cadre de la Supercoupe le week-end dernier. La surprise est donc possible pour les Renards. L'autre affiche opposera Charleroi à Liège, une rencontre un peu spéciale pour le nouvel entraîneur des Spirou, Fulvio Bastianini, puisqu'il coachait encore les Liégeois la saison passée. Mais les Carolons ont vécu une préparation chahutée, privée de nombreux cadres. Le nouveau mentor des Spirou ne s'en cache donc pas. Son équipe n'est pour le moment pas prête pour la reprise et un début de saison raté est donc envisageable. Vous savez, quand on compose l'équipe avec 10 joueurs pro et qu'il y en a 4 qui ne sont pas là pour la préparation, ça fait une grosse différence, et d'autant plus avec un nouveau coach, nouvelle philosophie, nouvelle approche. Il y a des joueurs qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont vus ici il y a 4 jours à peine. Donc voilà, il faut que tout ça se mette en place, assimiler les systèmes de jeu, que les joueurs se connaissent entre eux. Et donc voilà, on est en retard. On a la chance d'un côté d'avoir 3 joueurs internationaux et la malchance justement de ne pas les avoir en préparation. Une interview de Christophe Reculé. Dans les autres rencontres, contre le Bruxelles ira à Alost, Anvers accueillera Willebroek et Louvain affrontera le Limburg United. En Formule 1, Lewis Hamilton s'élancera en pole position demain du Grand Prix de Malaisie. Il a devancé son équipier Nico Rosberg et le Néerlandais Max Verstappen. Enfin en tennis, Janina Wickmayer s'est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Pékin après sa victoire 6-0 face à Monica Puig. Merci Thibaut, c'est la fin de ce journal. Anne-Michel, il y a des problèmes sur l'E411 tout près de Wavre. Effectivement, suite à un accident qui s'est produit donc sur ce tronçon Bruxelles-Namur à hauteur de Wavre, la bande gauche est donc neutralisée en direction de Namur. Attention parce qu'on a de nombreux débris sur la bande de gauche. Suite de l'incident, toujours à Bruxelles, dans le tunnel Léopold II, la bande de gauche reste toujours neutralisée. Défile depuis le tunnel Porte de Namur dans lesquels eh bien, vous perdez maintenant près d'une heure 45 en direction de Kuckelberg. Et je vous rappelle que la bretelle d'entrée Isère vers le tunnel qui vous mène à la basilique est toujours fermé à la circulation. Et puis, à noter ces ralentissements sur le ring de Bruxelles en extérieur au titre Carrefour Lenard où vous perdez une dizaine de minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Avec la complicité de SNCF Voyage.com, nous explorons les plus beaux coins du Luberon en revivant l'échappée belge. Jusqu'à 18h, nous irons nous promener dans la maison du parc naturel. Nous ferons un pique-nique au milieu des vignes. Et dans un instant, nous allons plonger dans les mines d'ocre de la région de Roussillon avec les Tintin reporters de la Belle Odyssée. A tout de suite. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. De Cavaillon à Roussillon, cap sur le Luberon. L'échappée belge sur Vivacité. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. Thank you. Lost Frequencies sur Vivacité avec le nouveau titre Beautiful Life. Lost Frequencies, souvenez-vous, était au Palais Royal de Bruxelles lors de la dernière proclamation des résultats, distribution des diplômes par le roi Philippe. Et ça tombe bien, nous avons aujourd'hui dans cette échappée belge quatre lauréats de la Belle Odyssée qui ont serré la main du prince, qui ont été décorés par, à l'époque c'était le prince, maintenant c'est devenu le roi. Et dites, c'était faux. Quasiment au siècle dernier, hein, presque. Oui, c'est ça, on ne compte plus les années. On ne compte plus. Edith Frébut, qui est Tintine reporter, qui nous accompagne. On est sous terre avec Elisabeth qui nous guide dans les mines de Bruix. Vous avez peut-être une question à poser à Elisabeth, Edith? Oui, moi je me demandais, vu la température qu'il fait ici, sous cette voûte ici, est-ce que vous stockiez quelque part du vin? Non, pas de vin, pas de fromage, pas de jambon, rien de tout ça. Il y a trop d'humidité, donc ça ne serait pas bien. Et vous faites quoi alors dans cette... On fait visiter, on stocke les touristes. Voilà. On essaie de stocker les touristes. Et vous n'en perdez pas, parce que j'ai quatre Tintins reporters, j'aimerais tous pouvoir les garder. Il y a Jessica aussi. Jessica, vous avez le choix entre une question ou une chanson? Je sens que ce n'est pas vraiment un choix, en fait, mais... Comme ici, c'est une acoustique incroyable, on est 15 mètres sous terre, c'est une cathédrale souterraine, ce serait vraiment super de vous entendre un tout petit peu. C'est possible, Jessica? Oui, on va faire une chanson d'Alicia Keys, je suppose. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Waouh, ça c'est beau, c'est beau. Je suis sûr que vous pourriez faire carrière dans la chanson, hein, Jessica. Beau jeu de mots. Jessica de mots. Gloria, c'est son nom d'artiste. Oui. Ah, vous avez été lauréate de l'émission The Voice aussi. C'est ça, oui. C'est la seule qui peut faire à la fois Belle Odyssée et The Voice. Jessica, bravo. Boris Van Acker, qu'on a pu suivre toute la semaine, hein, sur le compte Twitter de Vivacité et puis sur la page Facebook, c'est lui qui a commenté un peu cette échappée belge. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Elisabeth, Boris? Vous l'avez dit tout à l'heure, Adrien, on est vraiment dans une cathédrale déserte. J'aurais voulu savoir s'il y avait encore des mines actives de nos jours. Alors, des mines actives, on a une carrière à ciel ouvert qui est en activité, elle est à peu près à 300 mètres d'ici, et c'est la seule qui soit encore en activité en France. Donc là, ce qu'on extrait de nos jours, donc environ 1000 tonnes par an, suffit à combler la demande à peu près mondiale. C'est ça. Et par rapport à avant, ça représente quoi? Alors avant, on extrayait juste d'ici de cette carrière jusqu'à 40 000 tonnes par an. Donc ça a vraiment changé, ça a diminué. Du fait du changement d'utilisation de l'ocre qu'on n'utilise plus du tout dans l'industrie du caoutchouc. Comme les mousquetaires, il y en a un quatrième, Guillaume Moulard. Guillaume, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Elisabeth? Ben vous le disiez, Adrien, on est vraiment dans un dédale ici, un labyrinthe de galeries. Il y a combien de kilomètres? Alors, ici, il y a 40 kilomètres de galeries au total. Et visitable? Visitable, un kilomètre. Ah oui, d'accord. Donc, on va faire un petit kilomètre, oui. Ok. Mais bon, par contre, on ne peut pas tout faire visiter, ce serait trop laborieux, trop long, bien entendu. Puis certains endroits ne sont pas sécurisés, donc certains endroits, il n'y a pas de lumière, donc ce serait vraiment dangereux de faire visiter. Et on peut se perdre ici? Effectivement, vous pouvez vous perdre. Bon, on essaie de garder tout le groupe complet, hein, sauf bien entendu, comme je le disais, à condition de monnayer ça très très cher. Oh, mais budget illimité, Elisabeth. Beaucoup de personnes ont vécu de ce travail. Alors, à l'époque, oui, on a fait vivre jusqu'à 1000 familles et ça faisait de l'emploi pour 3000 personnes. D'accord. Donc ça a sauvé la région parce que ça a débuté en fait avec une grave crise agricole et tous les paysans ont été, par la force des choses, obligés de devenir mineurs. Donc ça a complètement bousculé l'économie locale et d'une crise agricole, on a passé à une épopée industrielle. On va remonter à l'air libre ? On va remonter à l'air libre. Il nous reste à peu près 100 mètres à faire à l'intérieur. D'accord, d'accord. Pour poursuivre cette échappée belge à bicyclette, évidemment. Et on enchaîne, nous, avec Puggy. The last of a dying breed. It might be time for us to. Might be time for us to. Hey, don't you know? When you go, you'll be the last to know. Might be time for us to. Might be time for us to go. When your time is up, you give it up, and on we go. Sur Vivacité, on vous parlait juste avant de la belle Godyssée. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Le casting a lieu mercredi prochain à Bruxelles. Donc allez vite sur belgodyssée.be si vous souhaitez participer à la prochaine aventure. Aujourd'hui, c'est l'échappée belge. On revit ce grand voyage à travers le Luberon jusqu'à 18h. Serge, vous êtes le directeur du parc naturel régional du Luberon. Si vous deviez décrire ce parc dans lequel nous avons crapahuté pendant 8 jours, que diriez-vous ? C'est le plus beau territoire en province Côte d'Azur. Ah, vous n'êtes pas chauvin, ça c'est bien. Non, mais il faut l'affirmer haut et clair. Oui, oui. Non, c'est un des territoires à déception. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur comporte 7 parcs naturels régionaux et 2 en projet de création, dont le Ventoux et la Sainte-Baume. Donc, on a la chance, avec ce maillage, d'avoir une sorte d'arc territorial sur l'arrière-pays qui rassemble des paysages extraordinaires comme le Verdon, comme les Alpilles, comme le Ventoux, etc. Donc si vous venez sur ces territoires à déception que sont les parcs, vous verrez quelque chose d'extraordinaire que vous ne verrez pas ailleurs. Et Philippe Glohagen, qui est le directeur du guide du Routard, avant que je ne parte, m'a envoyé le guide sur la Provence et il m'a écrit en dédicace « Adrien, tu verras, le Luberon, c'est pas pour les cons ». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Philippe, vous qui avez passé une petite semaine ici? Je suis tout à fait d'accord avec cette petite phrase. Et certainement, en pouvant le faire à vélo, rien que l'étape aujourd'hui, autour d'Apt, Roussillon, le musée des Ocres qu'on a vu, il y a tellement de richesses, tellement de belles choses à faire. Et je suis convaincu que le vélo est vraiment le meilleur moyen de transport pour découvrir tout ça à son aise, pour avoir le bon contact avec les gens, tous ces gens qui sont si gentils avec nous et qu'on croise dans tous les villages. Et le vélo ouvre des portes, que ce soit des maisons de charme, des campings, des hôtels 5 étoiles. On en a vu de toutes les couleurs, hein, Stéphane. Oui, alors là, c'est, sachant ma profession, c'est un bon raccord, ça, Adrien. Parce que Stéphane est peintre. Hein, donc. Oui, voilà. Ben, écoutez, oui, effectivement, on a eu, je vais dire, la chance de pouvoir, au cours de ce périple, je vais dire, tester plusieurs logements, je veux dire, plusieurs formules, d'un jour à l'autre, et je veux dire, on s'enrichissait à n'importe laquelle. Je vais dire, nous, on a plongé corps et âme dans cette aventure. C'est une aventure humaine avant tout. Un dépassement de soi, parce qu'il faut bien le dire, le Luberon n'est pas toujours plat comme la panne en Belgique. Mais justement, ici, on se dépasse, on va plus loin dans ses limites et on s'encourage l'un l'autre, puisque ici, on a quand même un bon petit peloton d'une quinzaine. Et ce n'est que du plaisir. C'est une aventure humaine extraordinaire et moi, je suis très, très, très fier d'avoir participé à ça. Et en même temps, il faut bien le dire, très ému aussi. On le sent. Alors, une bonne façon de rentrer en contact avec la population, c'est de circuler à vélo et puis d'aller dans les petits bistrots de pays. C'est ici, en Luberon, à Fort-Calquier, que c'est né et que se trouve d'ailleurs le siège, Élodie, de votre association. Effectivement, voilà, la Fédération nationale des bistrots de pays est née en même temps quasiment que l'association Vélo Loisirs en Provence. Et que le Ravel, donc c'est bien, 20 ans et plein de rêves, plein de convivialité. C'est surtout ça, c'est votre ça. Maître mot. On parlait de palette de couleurs, c'est une palette de saveurs qu'ils offrent sur le territoire. Ce sont surtout des saveurs locales. Ça, c'est vraiment important pour le label Bistrot de Pays. Et c'est aussi des ambassadeurs du territoire pour les locaux et pour les touristes de passage que sont les chapés belges. Et on commence à avoir des bistrots de pays et une fédération en Belgique aussi. Donc c'est bien, la toile d'araignée s'étend. Merci beaucoup. Bon week-end à vous et bonne continuation. Nous, c'est l'échappée belge et dans quelques instants, on va vous faire entendre d'autres participants à cette belle aventure dans le Luberon. Au poireau, au poireau, ton goût juteux glisse dans la bouche, complètement belge. Sweet sensation, séduisez-nous aux poires rouges. Les poires Sweet Sensation, juteuses et belges, maintenant dans tous les magasins prêtes à vous séduire. Aux poires rouges, aux poires rouges, Sweet Sensation. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus-malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus-malus... Non, elle n'a pas dû comprendre la question. Et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous attendais. Voilà, entrez. Oh non, je n'ai pas le temps madame. Comment? Non, j'ai encore beaucoup de maisons à faire. Alors je vous propose le calendrier vous des pompiers. Vous voulez pas visiter la maison? Non madame. Ils sont bien hein. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. En octobre, bon repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing. Profitez maintenant de 18% de remise au bon repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style.

give you a voice spread with rhythms and soul. The heart of a Welsh boy who's lost in his home. Put it in harmony, let the winds ring. Carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes notes et notre invisible espoir. Les questions que les doutes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort. Mais l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne, bravo, dans une version revisitée par Jessica et les chanteurs. Les petits chanteurs à la gueule de bois. Oui, les petits chanteurs à la gueule de bois. Mais il ne faut pas croire ce que racontent les journaux. On ne fait pas que boire sur ce voyage, il y a aussi à manger. Thierry, vous représentez Naturellement Paysan. C'est quoi Naturellement Paysan ? Naturellement Paysan, c'est une coopérative qui réunit une soixantaine de producteurs. Uniquement des producteurs du Luberon, Vaucluse et alentour. On a une gamme de produits typiquement locales et saisonnières, bien sûr, puisque elles sont issues uniquement de nos exploitations. Et ce qui nous a permis de servir ce petit pique-nique aujourd'hui à vos participants. Oui, c'est bien pour remonter en selle plein d'énergie. Nous sommes le 1er octobre. Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant dans vos champs ? Que cultivez-vous aujourd'hui ? Alors, on est sur les fins de récolte d'été avec tomates, aubergines, bon, les produits ratatouille, bien sûr. Les derniers fruits à noyaux, pêche, nectarines. Mais on est surtout sur la gamme fruits à pépins. On a donc pommes, poires, raisins. Les melons. De toutes variétés. Les melons, on est sur la fin. Là, c'est les tout derniers qui se pointent dans les étals. Alors justement, les melons ici, quand c'est la fin de la saison, on peut les déguster autrement. J'ai entendu parler de melonnettes. Anne, bonjour. Bonjour. C'est quoi une melonnette ? Alors une melonnette, c'est une spécialité de Cavaillon. Cavaillon qui est la capitale mondiale du melon. Et donc on a développé sur Cavaillon, donc Yannick Jaume qui a le magasin qui s'appelle l'Étoile des Délices sur Cavaillon, qui a développé un petit chocolat noir qui enveloppe une ganache faite avec des fruits confits de melon. Du melon confit, en fait. Vous croyez que je pourrais en goûter une en direct à la radio ? Ah oui, franchement, il en reste encore. Ouf, c'est la fin, hein, mais voilà. Oh là là là là. Mmh. Là, vous sentez le petit craquant du chocolat noir. Mmh. Et après, il y a la petite ganache avec le melon confit à l'intérieur. Le meilleur de la Belgique et du Luberon mélangé. Le chocolat avec et le melon. Mmh. Excellent. Et ça, avec un petit vin rouge du domaine de la Citadelle, par exemple, c'est pas mal du tout. Vous remarquez beaucoup, Anne. Nous allons continuer notre balade assez gourmande, puisque dans quelques instants, nous serons à la Maison de la Truffe, à Menerbe, à Presting. À tout de suite. Et bon appétit. Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. La Pro League. La Coupe de Belgique. La Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management ? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à ilovehoreca.be. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire ? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année ? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en véranda. L'échappée belge. What page of Après cette chanson de Sting, nous continuons la découverte, la visite des plus beaux villages du Luberon. Nous sommes maintenant à Ménerbe, accueilli par Pierre dans la maison de la truffe et du vin, qui est en même temps un restaurant, un petit musée. Il y a de tout chez vous. Il y a de tout. En fait, la maison a été créée, recréée pour faire la promotion des vins et de la truffe du Luberon, puisque nous sommes dans la première région française de production de truffes en France. Alors, visitez cette maison par un autre Pierre, Pierre Paulus, journaliste à l'Avenir. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette visite, Pierre ? Je sais qu'il y a moyen de devenir chevalier. Alors, je ne connais pas le nom complet, c'est chevalier de l'ordre de la truffe, mais encore, monsieur peut peut-être préciser. C'est de la confrérie de la truffe et du vin du Luberon. Voilà, j'étais et pas tout à fait. Pour devenir chevalier, il suffit de faire une demande et de s'engager à faire la promotion de la truffe et des vins du parc du Luberon. On chasse la truffe ici, vous avez des chiens qui partent le matin, comment ça se passe ? Alors, dans la truffe, tout est plus ou moins secret. Mais il se dit que effectivement, des gens vont dans la nature, dans le parc du Luberon, dans les collines qui nous environnent, et partent avec leurs chiens et récoltent la truffe à partir de fin novembre jusqu'au mois de mars. Bientôt la saison alors. Bientôt la saison. Eh bien, on vous la souhaite excellente, Pierre. Merci. Ce qui est très sympa ici au bord des routes, c'est d'être accueilli parfois, Stéphane, par des camping-caristes, des fidèles du bon vélo. Ah oui, ça. Ils nous ont fait une belle surprise, des amis de cœur, des amis sur qui on peut compter et avec qui on fait souvent la fête et des gens qu'on adore. Voilà. Oui, c'est Gérard et Monique. Alors, c'est fou, vous êtes à 1000 km de chez nous et vous êtes là avec un drapeau belge à nous accueillir. Oui, nous avons profité de notre petit voyage à travers la France. Nous sommes partis depuis 15 jours et on crapahute un peu dans toutes les belles régions que nous ne connaissons pas. Nous avons parcouru le sud et en remontant, on dit tiens, le Luberon, mais c'est par là que les copains vont revenir à vélo. Ils font le tour du Luberon, donc on dit pourquoi pas aller les accueillir dans un beau village typique. Ça nous fera plaisir, je crois que ça leur fait plaisir aussi, mais surtout à nous. Oui, et vous nous accueillez avec le t-shirt officiel du Pau Vélo de Ravel. Cuvée 2013. Hein, un peu délavé, mais toujours d'actualité. Oui, c'est la preuve que vous êtes un fidèle. Et vous-même, vous avez participé au Ravel du bout du monde, c'était en quelle année ? Oui, à le Québec en 2013, exactement. En 2013, oui. C'est un petit peu plus loin, un petit peu plus difficile pour aller accueillir les ravelistes. Mais enfin, c'est ça ici qui est bien, c'est en Europe, c'est en France, c'est une belle région, donc on a pu vraiment voir cette région et puis vous accueillir, c'était formidable. L'échappée belge, effectivement, plus proche de chez vous, un groupe moins nombreux, composé exclusivement de célibataires, sauf, il y a toujours une exception qui confirme la règle, c'est Rudy et Véro, parce que vous avez gagné chacun de façon différente. Oui, c'est exceptionnel. Depuis deux mois, je me réjouissais de partir seul. Et la veille du départ, Véronique m'annonce qu'elle s'est qualifiée pour venir avec moi. Mais je suis très content qu'elle est avec moi. Ça se passe très bien. Ça c'était la cerise sur le gâteau. Le dernier beau vélo de Ravel à Bruxelles, Ben Lotto a fait un tirage au sort et c'est vous qui avez été choisi, Véronique. Voilà, j'ai eu une chance inouïe. Voilà, comme ça, je fais partie de l'aventure et ça me plaît beaucoup, évidemment. Oui. Qu'est-ce que vous retenez ? On arrive presque au bout. Hein. C'est la dernière ligne droite de cette échappée belge dans le Luberon, tous les deux. Pour ma part, de merveilleux souvenirs, déjà une sympathique ambiance dans le groupe et de magnifiques paysages, un bel accueil des habitants français de la région. Merci à vous pour votre enthousiasme. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir heureux. Sur Vivacité, on continue cette échappée belge, juste après les Fugees. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef Refugee Camp Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. Do, do, do. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. L'échappée belge, nous sommes maintenant face au Palais des Papes à Avignon avec tous ces voyageurs cyclotouristes en provenance de Belgique qui depuis le 22 septembre pédalent avec nous. Et à l'arrivée, ils sont vraiment curieux et enthousiastes parce que malgré la fatigue, est-ce que quelqu'un a eu le courage de visiter le Palais des Papes? Oui, alors hier soir, on a été voir le spectacle de son et lumière dans le Palais des Papes. C'était grandiose, le palais gigantesque sur les murs. C'est quelque chose d'incroyable avec toutes ces images et tout. C'est quelque chose de fabuleux qu'on a découvert hier soir. Avignon se visite de différentes façons. Certains l'ont même fait à bord d'un petit train. Et oui, le petit train touristique qui fait vraiment le tour d'Avignon, qui va vous montrer le pont d'Avignon, et qui vous dit même que la Vierge mesure 6 mètres. Quand on la voit d'ici, on a l'impression qu'elle fait 2 mètres, mais en fait, elle fait 6 mètres. Vraiment faire le tour de toute la localité, c'est extraordinaire. On se demande même des fois comment il arrive à faire tourner son petit trait dans des rues où on passe la main dehors et on touche les murs. C'est vrai que c'est très impressionnant. Des venelles pavées qui montent et qui descendent. Il y a peu de voitures en ville, il y a pas mal de vélos. Qui a visité la ville à vélo ce matin ? Ah, Rudy. Alors, avec Véronique, nous avions décidé de faire une 7e étape, parce qu'on aime vraiment bien le vélo. Et il se trouve qu'il y a une île qui se trouve juste en face d'Avignon. Ça s'appelle l'île de Barthelas. Et il y a un circuit à vélo tout autour de l'île qui fait 16 km environ. Et c'est très, très agréable parce qu'on longe le Rhône tout le temps et on voit le palais de beaucoup plus loin. C'est vraiment un très chouette point de vue. Alors, sachez qu'en allant là, vous avez franchi le Rhône, vous avez changé de département. C'est plus le Vaucluse, vous êtes carrément allé dans le Gard. Ah ben, vous le Gard du Midi, alors, hein, le Gard du Sud, pour cette échappée belge. Un autre département, une autre ville aussi, Villeneuve. Et on entend ce petit train touristique qui passe derrière nous. La soirée d'hier, Maxime, c'était dans un théâtre proche, le Théâtre des Dons, un joyau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ici à Avignon. Tout à fait, et passer à côté d'une scène et d'une ville telle que Avignon, quand on sait que la ville grouille d'activité au mois de juillet et ce depuis 1947, moi j'étais ému, sincèrement j'étais ému parce que le théâtre c'est quelque chose que j'aime beaucoup et puis cette ambiance de groupe collectif sans accompagnement musical, c'était tout simplement magique. Alors le collectif La Tribu justement a joué son dernier spectacle, La Course, qui racontait une échappée aussi à bicyclette, c'était sympa. Et après la représentation, vous avez eu du culot parce que vous êtes monté sur scène avec tous les échappés belges. Oui, on a pris, on va dire, des risques peut-être. Des j'ai eu peur. Oui, un courage à deux mains en allant voir le directeur qui a fait un petit speech devant nous. Et il a été très très gentil, très accueillant de pouvoir nous laisser notre petit moment à nous. Qu'on a vécu en toute intimité. Et on va vous écouter, là c'est la reprise du succès d'hier soir, ce titre de Pierre Rapsat que vous avez revisité, réécrit, ça raconte cette semaine haute en émotion avec les échappés belges, on vous écoute. Ensemble, en France, en traversant le Luberon, et partager tant d'émotions, tout simplement ensemble, en France, découvrir cette belle région, née au vent main sur le guidon, tout simplement ensemble. Sur ce tout petit bout du monde, on s'émerveille chaque seconde, même si parfois on va trop vite, et que derrière Sylvie s'excite, la faute à Francis. Ensemble, en France, grâce à Vélo Loisirs Provence, Adrien et toute sa bande, on a tellement de chance. Ensemble, en France, un échange entre deux nations, réunis par la même passion, cuisine, esprit, peloton. Tout simplement ensemble, ensemble, ensemble, tout simplement ensemble. Oh, vous pouvez vous applaudir. La chorale des échappés belges, rebaptisée les petits chanteurs à la gueule de bois avec l'orchestre de la Manosque Negra. C'est pas mal du tout. Franchement, merci pour ce très très beau cadeau qui en dit long sur l'émotion que vous avez ressentie pendant ce voyage. Je crois que vous avez eu ce que vous vouliez, hein, nous aussi d'ailleurs, du vélo et de belles rencontres, Philippe. Tout à fait. C'était, si on veut essayer de résumer cette semaine, c'est vraiment une belle aventure. Quand on voit la variété des membres qui constituaient cette équipe, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de la sportivité, de l'expérience sur le vélo, tout ça a fait un amalgame qui a fait une recette parfaite. Ça m'a fait penser à une chanson, la chanson de Christophe Maé, « Il est où le bonheur ? Il est là ». On l'a trouvé, on l'a vécu pendant une semaine. Oh joli, le bonheur est en Provence. On va terminer avec les filles, Aurélie et Julie, qui a préparé une petite citation, Aurélie. Donc moi, pour résumer un peu ce séjour, j'ai trouvé une belle citation de Fernando Pessoa, du livre de l'intranquillité. Donc c'est la valeur des choses, n'est pas dans la durée, mais dans l'intensité où elles arrivent. C'est pour cela qu'il existe des moments inoubliables, des choses inexplicables et des personnes incomparables. Waouh. Et ça donne envie de faire une échappée belge au Portugal. Merci beaucoup. Julie, peut-être l'invitation à la prochaine sélection. Ah ben j'invite franchement tout le monde à participer l'année prochaine au casting, donc du 29 avril, parce que enfin voilà, c'est une expérience unique. Je suis super émue au fait, et voilà, tentez tous votre chance parce que franchement c'est voilà, c'est unique, c'est unique. Et si vous voulez revivre cette échappée belge en Provence, allez sur la page Facebook du Beauvélo de Ravel ou sur vivacité.be, lire les très beaux carnets de route de Frédéric Thiébaud, les belles vidéos réalisé par Jessica, Adriane, toute l'équipe s'est défoncée un max pour vous faire vivre cette belle aventure. Merci à notre sorcier du son aussi, Bernard Blave. Dans un instant, le journal parlé de 18h, ensuite Vivacité en concert, et nous la semaine prochaine nous serons dans les Pouilles en Italie avec Loïc Péchard. Bon week-end et à bientôt les amis, bye bye, au revoir, au revoir. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé? Eh ben voilà déjà le peintre! Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès? Oh, c'est top top top. Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore. J'adore. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre, ce sont les Beauty Days à la Galerie Anspach. Deux jours d'animation et de workshop beauté pour prendre soin de vous et vous faire du bien. Que du bonheur. Les 1er et 2 octobre, souriez, car vous recevrez aussi votre photo et gagnerez peut-être des cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, Anspach Shopping. Anspach, the new place to live and shop. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalles pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vous écoutez Vivacité, 18h. Une grosse soirée sportive au programme aujourd'hui. En football, la rencontre entre Zulte Waregem, le leader, et Charleroi commence en ce moment même. Il y aura aussi trois autres matchs, notamment Eupen-Moucron. Ce soir, c'est également la reprise du championnat de basket en Division 1. Le Spirou Charleroi reçoit Liège Basket. Dans un instant, vous entendrez le directeur général du club liégeois, Laurent Constantiello. Des éoliennes belges vendues à une société chinoise. 11 éoliennes qui représentent le plus grand parc éolien terrestre du pays. Tous les détails sur cette transaction dans ce journal. Pourquoi ne pas cueillir vos fruits vous-même plutôt que de les acheter dans un supermarché? C'est ce que vous propose un fruiticulteur en région liégeoise. Et nous, pour le journal, on accueille Justine Hermaz. Bonjour Justine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Soirée sportive chargée en football. La rencontre entre Zulte Waregem et Charleroi vient tout juste de commencer. Vous pourrez d'ailleurs suivre le match en direct dès la fin de ce journal sur Vivacité. Dès 20h, un match important dans le bas du classement entre Penn et Moucron. Vous pourrez aussi suivre au but par but les rencontres Westerlo-Westland-Beveren et Lokeren-Courtrai. Ce soir, c'est aussi la reprise du championnat de basket avec entre autres Charleroi Liège. Côté liégeois, il y a eu pas mal de changements en interne durant l'entre-saison. Cela fait dire au directeur général Laurent Constantiello que le club débute une nouvelle ère. C'est en tout cas la saison de toutes les nouveautés. Au niveau des joueurs, évidemment, parce qu'on a 4 nouveaux Américains, mais aussi au niveau du coaching staff. On a le bonheur d'avoir Thibaut Petit maintenant comme entraîneur, après un cycle de 5 ans de Fulvio Bastianini. C'est un challenge énorme, et donc on démarre cette saison avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Une équipe compétitive sur papier, avec des nouveaux Américains, évidemment, qui ont remplacé les étrangers de l'an dernier. Forcément, il a fallu pallier au départ de